Chapitre 10. Quand la CIA provoquait des massacres en Indonésie. Pendant la guerre froide, les grandes nations du Sud avaient tout intérêt à choisir leur camp entre le bloc de l'Est et les États-Unis. En rejetant cette alternative et en se faisant le champion du non-alignement, le président indonésien Sukarno s'est créé de gros problèmes. Cinquième pays le plus peuplé du monde dans les années 1950, l'Indonésie sortait de 4 siècles de colonisation néerlandaise. Leader charismatique de la lutte pour l'indépendance, Sukarno devint un chef d'État écouté parmi les pays en voie de développement. En organisant la conférence de Bandung en 1955, acte fondateur du non-alignement qui marqua l'entrée de la Chine sur la scène internationale, et en acceptant d'intégrer le Parti communiste indonésien, PKI, dans son gouvernement de coalition, Sukarno se désigna à la vindicte du département d'État américain. En réalité, il avait fort à faire pour unifier un pays composé de 6 grandes îles et 3 000 petites, peuplées de musulmans, d'animistes et de bouddhistes, et dans lequel l'armée et le PKI constituaient des puissances incontournables, mais antagonistes. Point d'équilibre entre de nombreuses factions politiques, Sukarno gouvernait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, échappant à un coup d'État du PKI en 1949, à un autre de l'armée en 1952. C'est en 1955 que la CIA commença ses opérations dans l'archipel. Kermit Roosevelt, en charge de l'Extrême-Orient, fit attribuer $1 million au parti islamiste Mazjoumi en prévision des prochaines élections. Mais le PKI remporta près de 20% des votes, loin devant les Mazjoumi. L'année suivante, Frank Wisner, le chef des opérations, fit de Sukarno une priorité. Une révolte d'officiers, dont l'île fit sécession et qui baptisèrent leur mouvement « Per Mesta », offrit à l'agence une belle opportunité d'intervention. Sukarno la renforça par un discours en février 1957, déclarant que la démocratie à l'occidentale se révélait inadaptée à l'Indonésie et que les partis devaient se dissoudre pour laisser la place à une démocratie guidée par lui-même. Préparant une intervention paramilitaire, la CIA établit des bases à Singapour et aux Philippines pour y regrouper et entraîner des milliers de mercenaires. Le Conseil national de sécurité du 23 septembre 1957 mit en branle ce qui allait devenir le projet HAIK, destiné à élargir la dissidence des militaires dans l'archipel. En novembre, Sukarno fut victime d'un attentat à la grenade, dont il réchappa. La CIA fit rapidement circuler le bruit qu'il s'agissait d'un coup des communistes, mais l'on apprit plus tard que l'attentat provenait d'une faction islamique. Sans craindre la contradiction, c'est à la même époque que la CIA déploya sa propagande sur une relation intime que Sukarno aurait eue avec une espionne russe. Sous-entendant, le président indonésien serait le jouet des soviétiques. En janvier 1958, les forces militaires étaient prêtes à rejoindre les rebelles, qui passèrent à la vitesse supérieure pendant un déplacement de Sukarno au Japon, en exigeant l'abandon de la démocratie guidée et la nomination de ministres de leur choix. Devant le refus de Sukarno, les rebelles proclamèrent un gouvernement dissident regroupant des personnalités de plusieurs îles, dont Sumatra. Il ne restait plus qu'à acheminer les renforts aux rebelles. Mais la marine américaine se hâtait lentement, malgré les incitations de la CIA, car il s'agissait de rien moins qu'une ingérence dans une guerre civile. On se contenta donc de livraison d'armes et de bombardements aériens. De leur côté, les rebelles n'arrivaient pas à remporter une victoire décisive. John Allison, l'ambassadeur américain dans l'archipel, qui protestait contre le soutien américain aux rebelles de plus en plus visible, fut remplacé. En mars, une étape fut franchie avec l'envoi à Sumatra d'une équipe de la CIA destinée à encadrer les rebelles, mais sans grand résultat. En avril, des fuites dans la presse américaine révélèrent les parachutages de soutien aux rebelles, tandis que les forces gouvernementales les faisaient reculer. Il fallait désormais soit se retirer et nier toute l'affaire, soit assumer. Eisenhower décida que les troupes de la CIA devaient prendre les choses en main sur le terrain, sous l'étiquette de simples mercenaires. Mais il était déjà bien tard pour les rebelles, dont certaines unités commençaient à faire défection. De plus, les bombardements de la CIA faisaient de plus en plus de victimes civiles. Le 15 mai, une attaque contre le marché d'Ambon provoqua la mort de centaines de victimes qui se rendaient à l'église. Trois jours plus tard, un avion fut abattu au-dessus de la même ville et son pilote capturé. En contradiction avec le règlement de l'agence, il détenait des documents qu'il identifiait comme un pilote de la CIA. Il fut exhibé par Sukarno devant la presse internationale comme preuve de l'implication américaine et retenu prisonnier pendant 4 années pour garantir la tranquillité du régime en place. La CIA n'avait plus qu'à se retirer et Eisenhower qu'à proclamer la stricte neutralité du gouvernement américain quant aux affaires internes de l'Indonésie. Sukarno avait gagné quelques années de répit. Le 1er octobre 1965, un groupe de jeunes officiers enlevèrent et tuèrent 6 généraux et s'emparèrent de plusieurs points stratégiques de Jakarta, la capitale. Ils affirmèrent qu'ils agissaient pour prévenir un coup d'État programmé par ces mêmes généraux et soutenu par la CIA. Leur action fut sévèrement réprimée par l'armée, commandée par le général Suharto, qui accusa le Parti communiste d'être à l'origine des troubles. Ce fut le signal d'une répression féroce, destinée à éradiquer définitivement le PKI d'Indonésie. La population fut invitée à dénoncer les communistes, voire à participer à la répression. Selon les rapports d'Amnesty International publiés dans les années 1970, les massacres firent au moins 500 000 victimes sur plusieurs années, faisant disparaître des familles et des villages entiers. 1 million de personnes furent emprisonnées, certaines pour plusieurs décennies. Plusieurs officiels de l'ambassade américaine à Jakarta ont reconnu avoir fourni au régime des listes de milliers de communistes qui furent promptement éliminés. Sukarno, dont la santé et le jugement faiblissaient, avait commis l'erreur d'un rapprochement trop ostensible avec un parti communiste au sommet de sa puissance, déclenchant les foudres des anticommunistes. Il fut remplacé par le général Suharto, ce qui marqua le début d'une étroite relation avec les États-Unis, avec de nombreux programmes de coopération entre les deux armées. Il n'est pas possible à ce jour de savoir avec certitude qui a déclenché le coup du 1er octobre. Mais il est certain que l'action en retour de Suharto a été extrêmement prompte, violente et efficace, et qu'elle a bénéficié d'un soutien logistique sans faille des États-Unis, de même que le nouveau régime, un des plus sanguinaires que l'Asie ait connu.